On est actuellement avec l'auteur du livre « Le hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tome 2 », Michel Simard. Il est actuellement à Dolbeau-Mistassi. Salut, Michel. Bonjour, Dan. Michel, une semaine de fête, ton livre, comment ça va? Ah ben, je vais te dire que j'ai eu un très bel accueil au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je suis maintenant résident à Québec. OK. Ça fait une semaine que je suis dans la région et ça va super bien. J'ai eu un bel accueil partout. Ici à Dolbeau, entre autres, avec les anciens castors et Paul Ménard qui avait organisé une rencontre à ce niveau-là. Plusieurs s'y sont retrouvés et j'ai eu le plaisir de revoir, entre autres, en fait, de connaître Yvon Junot, ouais. qui était un excellent joueur de hockey. Rencontrer Rosa Leclerc, Clermont Beaulieu, tous des gens qui ont évolué au hockey junior ici à Dolbeau. Okay. Et j'ai aussi été faire une tournée régionale qui m'a amené à Arvida, okay. À la baie. Enfin, j'aime mieux dire Port-Alfred parce qu'on parle beaucoup du national de Port-Alfred. À Chicoutimi, j'ai rencontré beaucoup d'anciens joueurs et l'accueil pour le livre, et je pourrais dire, est excellent. Je te dirais pas au-delà de mes attentes parce que je m'attendais à un bel accueil parce que c'est un livre qui est attendu depuis un certain temps. Je suis vraiment surpris, là. Je ne m'attendais pas à ce genre de livre de même. Oui, bien, la qualité est là et les gens aiment vraiment le style de livre que j'ai produit. C'est mon troisième, en fait, de cette même envergure. Et mais c'est du hockey. Du hockey, ça touche. Les autres, c'était le golf, je pense. Hein? Ben, les autres, c'était l'histoire de sport à Saint-Gédéon. Ouais. Et le golf, Gorgelet, la Alma et le golf. Ça touche pas toute la région comme le. Non. Fait que c'est, tandis que là, c'est le hockey régional. Effectivement, là, lui, c'est vraiment. Là, ça touche tout le monde dans la région, de la baie à Dolbeau. Et là, maintenant, je comprends mieux la distance entre Dolbeau et l'abbé, quand il partait jouer au hockey, c'est comme si tu allais jouer à Québec. Pas compliqué. Oh, oui, c'est sûr. Au niveau de la distance, ça, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'on dit quand les gens voient le livre? Ben, ils sont surpris par la qualité du volume. Ah, regarde, c'est la première affaire que j'ai vue. Parce qu'ils ne s'attendent pas d'avoir un volume de cette catégorie-là. Non, c'est ça. Puis, ils se retrouvent avec un volume de prestige dans les mains, un volume de luxe avec une reliure de luxe. Donc, c'est le premier élément que les gens voient là, quand ils voient le livre. OK. Les gens, les ventes, comment ça va? Là? Est-ce que tu as eu... Je vais te dire que j'ai plus de la moitié des ventes de fer. Donc, ça va en réimpression, j'imagine. Je ne ferai pas de réimpression. Okay. Donc, il y a une seule... Il y a cette... Oui, parce que le risque est trop gros, j'imagine. Non, c'est parce que c'est d'ourage. OK. c'est un travail imposant de faire le rôle d'éditeur parce que là, j'ai fait le rôle d'auteur. Oui. Mais après ça, comme moi, en travaillant à compte d'auteur, il faut que je fasse l'édition aussi. Et c'est moi qui l'ai fait moi-même avec ma conjointe à ce moment-là. Et c'est un travail imposant. Comment qu'il y a d'heures dans ce livre-là? Je n'ai pas compté mes heures, mais je suis... Approximatif, là. Une couple de 1000 heures, ça c'est sûr. Et monsieur, c'est sûr, là. Ça fait des semaines. Tant par par la recherche que la mise en page, l'infographie, le traitement des photos, la lecture de tous les documents que ça impose, et ainsi de suite. Donc, c'est imposant. Tu as dit, j'ai édité un livre, c'est beaucoup de travail. Est-ce que, quand tu vois un livre de cette envergure-là, tu as l'intention pour le tome 2, parce qu'il y a un tome 2 qui s'en vient? En fait, ça devrait être le tome 1. Un tome 1, oui, le tome 1. En fait, c'est le début de l'histoire du hockey dans la région. Donc, est-ce que tu as l'intention peut-être d'aller voir un éditeur pour le tome 1? Non, absolument, parce qu'un éditeur, une maison d'édition ne prendrait pas un livre de cette catégorie-là. Parce que c'est trop restreint? Non, parce que c'est au niveau des photos, des droits d'auteur. Moi, j'ai beaucoup de courtoisie au niveau des photos des gens. Ah, OK, OK. Okay? Une maison d'édition ne travaille pas de cette façon-là. Et moi, je n'aimerais pas travailler avec une maison d'édition pour un volume de cette espèce-là parce que... T'as pas carte blanche. J'ai pas carte blanche. Là, j'ai vraiment carte blanche. Je fais ce que je veux. Je place les photos où est-ce que je veux. Je fais des textes comme je veux. Je suis pas brimé dans rien. Okay. Donc, c'est dans cet esprit-là que je le fais. Puis, j'aime autant le faire. OK. Dis-moi, pourquoi... tu me l'as dit, c'est une passée d'entrevue, mais je vais te le redemander parce que je me rappelle plus. Pourquoi le tome 1 après le tome 2? Oui, le tome 1 parce que j'ai débuté vraiment l'histoire du hockey à partir de 1895 jusqu'à 1960. Incluant la JKLS. Oui, qui a été la ligue la plus populaire au Saguenay. Oui, ça a été vraiment une ligue vraiment la plus populaire, dans le sens que c'est là que la région, après la Deuxième Guerre mondiale, a vu un essor au niveau de la construction des arénas, première chose, et l'arrivée de cette JKLS-là et des joueurs qui venaient travailler ici dans la région et qui étaient payés pour jouer au hockey. Et donc, ça a duré 6 ans, mais ça a été extrêmement populaire pendant cette période-là. Dis-moi, donc, il va être en... Le tourne 1, tu vas le lancer quand? Dans le tournoi, je prévois là, au printemps 2023. Printemps 2023, donc ça donne un an et demi à peu près. Au début de 2023 pour compléter ce projet-là. Là, OK. Vrai. Mais c'est sûr que, je te dis ça, même à l'automne, c'est toujours plus vendeur, non? Le hockey, il y a plus de hockey, il y a plus de... Je sais, je pose la question. Oui, je sais tout ça, mais... Comme lui, j'aurais aimé le sortir au Salon du livre. Oui, c'est ça, tu vas aller dans le Salon du livre? Oui, je vais être au Salon du livre l'an prochain, normalement, oui. OK, OK. Et pour le tome, on aimerait toujours sortir à des temps précis. Oui. Mais je ne veux pas retarder à l'automne 2023. Okay. À moins qu'il y ait des contraintes majeures, là. Si c'est le cas, ça sera peut-être dans ce cas-là à l'automne 2023, mais c'est sûr qu'en 2023, l'histoire du hockey va être racontée dans le tournoi. Donc, tu es ici à matin, tu es à Dolbeau-Mistassini, le livre va être en consignation en librairie centrale. Donc, les gens qui veulent se le procurer, j'imagine que c'est une copie limitée. Donc, il en reste pas beaucoup. Ici, il y en a quand même, j'ai quand même une trentaine d'exemplaires que j'ai déposés ici à la librairie centrale. Surtout, c'est un beau cadeau de Noël, en plus. Oui, absolument. Puis, il y a beaucoup de joueurs des Castors de Dolbeau qui n'ont pas vu ce travail-là. Donc, ça touche tous les joueurs qui ont joué de 1953 à 1986 pour les Castors, ou même il y en a qui ont joué pour les Wananish à l'époque, qui venaient de Dolbeau. Donc, c'est pour eux ce livre-là. C'est un lait que je fais aux joueurs de hockey. Donc, c'est à vous d'en prendre possession. Il n'y aura pas de réimpression, ça c'est sûr. Donc, quand c'est fini, c'est fini. OK. Donc, puis il y en a combien sur le marché? Il y en a plus de 700 sur le marché. Okay, donc... En fait, je te dirais là, autour de 800, mais je ne donne pas le chiffre exact. Okay. Dis-moi, en terminant, tu te promènes un peu partout. Je t'ai vu, tu étais au Saguenayen. Donc, j'imagine que la prochaine semaine, là, tu demeures à Québec. La prochaine semaine, va être un petit peu plus tranquille. Comment ça s'enligne? Ma tournée de promotion est pas mal faite. Okay. Je retourne à Québec demain. Et aussi à Québec, j'ai d'autres activités. Ben oui, parce qu'il y a des bleuets, beaucoup de bleuets à Québec. Ben, ça fait déjà une cinquantaine de livres que j'expédie à l'extérieur. Ah oui, OK. Oui, que ce soit en Colombie-Britannique, que ce soit aux États-Unis. Pierre Laganière m'a contacté pour avoir un livre. Il demeure à Syracuse. Il y a plein de gens de partout qui m'écrivent pour que je leur expédie un livre. Donc, avec pas la bouche à oreille fait son sens. Oui, absolument. Puis avec la promotion, puis les Facebook, puis c'est vite. On travaille dans ce sens-là et je pense que à Noël, il restera pas. C'est sûr. Donc, ça se vend. On rappelle, c'est à la librairie centrale. Vous pouvez également communiquer avec lui par. Donne-nous tes coordonnées, Thomas. Oui, en fait, mon courriel, michel.simard99@commercial.gmail.com. ou par mon cellulaire, le 418-720-2640. Bravo, Michel. Bravo, bravo, bravo. Donc, merci beaucoup. Puis, c'est un beau lait que tu laisses à la région. Puis c'est un beau cadeau. Merci beaucoup, Dan. L'auteur du livre « Le hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean », Michel Simard.